La semaine dernière, en introduction, je disais que nous tenterions de clore la rétro en date 2013. J'ajoutais aussi que le terme « clore » était un concept assez nébuleux pour nous. J'avais raison puisque nous la poursuivons ce soir. Et cette fois-ci avec la ferme intention de terminer cette rétrospective. Ici, encore une fois, je dois avouer que « ferme intention » nous apparaît être quelque peu abstrait comme concept, tout autant que le concept étrange et cauchemardesque celui de Sinistros. Mais ici encore, je ne suis même pas certain de ce qu'est Sinistros. Une maladie ou un karma? Allez savoir. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque nos procédures pseudo-médicales n'ont rien de concret pour personne. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. Cause we said so. Go, hail of bullets. Yeah! ne vous souhaite pas la bienvenue. En cette nouvelle édition de réanimation, en ce 28 janvier de l'an de disgrâce 2014, dernière émission du mois de janvier, et aussi, malheureusement, la dernière émission à laquelle Sinistros assistera du moins pour un certain temps indéterminé, n'est-ce pas? Effectivement. Après 7 ans de pseudo-loyaux services et d'emmerdements, eh bien, il nous quitte. Oui, du moins jusqu'au mois de décembre. Eh bien, c'est parce que le mois de décembre, c'était le mois passé, là. Ah! Et il n'est pas un bout, moi, ben, là. Ben, c'est pas que tu peux pas t'en aller. Eh bien, non. Le mois de décembre 2014. Effectivement. Parce que j'ai signé un contrat qui va finir par m'empêcher de voir la lumière de la nuit. De dormir convenablement ben, aussi. Ça risque d'être moins pire. Ouais. Moins pire que présentement. Parce que là, présentement, je suis le jour, puis le lever à 4h du matin est un petit peu moins drôle. Mais là, je vais tomber de soir dans quelques semaines. Donc, malheureusement, je ne pourrai plus participer à une réanimation. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Il y a des choix à faire dans la vie, et puis il y a des priorités à mettre à certains moments. Et puis, ben, je comprends fortement que le gagne-pain en est une, n'est-ce pas? Une grosse. Oui. Mais c'est quand même 7 ans de co-animation, Sinistros. Ben oui. C'est quand même pas rien. Ben non. T'as été l'assistant que j'ai eu le plus longtemps. Et l'assistant que j'ai enduré le plus longtemps aussi. Ah, écoute, on se fait des petits au revoir à la fin de l'émission. Mais je vais sûrement revenir. Je présume qu'un jour, tu auras peut-être l'occasion de revenir. Ben, et puis, oui. La porte sera tout grand fermée. Ouverte, je l'ai dit. Ouverte. Eh bien, comme je l'ai dit en ouverture d'émission, nous clôrons ce soir la Rétro en date 2013, qui, ma foi, s'est étirée pratiquement... Ce sera étiré pratiquement une émission de plus. Ben, c'est un record. C'est un record, et soit dit en passant, ce qui est assez ironique dans l'histoire... C'est qu'on n'était pas parti pour faire ça. Non, on n'avait aucune idée de ce qu'on pourrait même... On pensait peut-être qu'une émission, deux émissions au maximum, ça serait réglé. Mais c'est vrai que tout a déboulé à la fin de l'année. Hein? Tout à fait. Du mois d'octobre, ça a fait... Effectivement, on s'est dit, oh, là, on peut pas passer outre ça, ça, faut inclure ça. Ouais. Fait que finalement, notre liste s'est allongée pour faire, les 3 émissions et 3/4 qu'on va terminer ce soir. Aussi... Plus tard en émission, nous aurons le plaisir de vous présenter 6 extraits du nouvel album de Legion of the Damned, qui porte le titre, l'album étant Ravenous Plague, qui est sorti il y a quelques semaines à peine, je crois, c'est le... Le 10 janvier, je pense. Le 10 janvier, c'est ça, oui. J'avais en tête le 3, mais... Il y avait le 4, je pense, c'est en Europe, mais en tout cas, worldwide, aux alentours du 10. Là. Effectivement. Donc, en ouverture d'émission, nous avions un doublé, effectivement, qui se portait sur la formation des Pays-Bas, soit Hail of Bullets. Nous avions 2 pièces tirées du dernier album Third The Rummel Chronicles, soit le premier choix de Sinistros qui était. On a entendu Farewell to Africa? Non, ça c'était la mienne. OK, d'abord. Moi, c'est pour le mérite, d'abord. Oui, pour le mérite. Et c'était suivi de mon choix qui était Farewell to Africa. Moi, c'est mon numéro 1 2013 comme c'est album. Très, très bon album. Ouais. Album qui met en vedette le chanteur de Asphyx et Grand Supreme Blood Court. C'est un gars qui a fait... Je pense même qu'il a joué dans... Ben, on va te dire ça, mon ami, on va te dire ça. Il me semble qu'il a joué dans Pestilence aussi. Il a joué dans, nous avons les informations ici, pas très loin. Grand Supreme Blood Court, effectivement. Asphyx, Hail of Bullets. Et ce sont les 3 formations qui sont... Qui ont fait des albums, mais tu vois dans Pass Band, peut-être qu'il y a... Ouais, peut-être pas Dead by Down, Pestilence, c'est ça. Pestilence, ben oui, 86 à 90. Et Bass Vocal, à cette époque-là. Et puis Submission, de 93 à 94, qui était le chanteur démo. Et puis, son voix pour Pestilence, c'est démo et live album. Tandis que Death by Down, c'était démo également. Et donc, c'est des trucs qui sont peut-être pas nécessairement vraiment sortis jusque ici en Amérique, là. Mais moi, c'est vraiment mon numéro 1, Metal 2013. J'adore le vocal de ce gars-là. Oh oui. Je trouve que c'est complètement dément. Mais si tu prends Asphyx ou Grand Supreme Bloodsport... Asphyx, c'est oui. C'est plus Doom, mais ben Doom, en tout cas. C'est Doom, très bon, Asphyx aussi. Bon. J'ai bien aimé ça. Donc, Third of Rommel Chronicles, qui est évidemment un album concept qui parle, bien entendu, des campagnes de Rommel à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, pour le mérite, ça le dit bien. Rommel avait été honoré de façon majestueuse à l'époque par son Führer. Et la pièce Farewell to Africa, eh bien, c'est lorsqu'il a quitté la campagne d'Afrique. Et aussi, il faut savoir que ça a très mal tourné pour lui parce qu'on lui a obligé à s'enlever la vie parce qu'il avait été déshonoré. Ah. C'est très, très radical comme histoire. Nous allons gérer évidemment la rétro Ciné Undead, dont je ferai une espèce d'accéléré ce soir parce qu'il y a quand même encore pas mal de titres que je veux vous parler. Des petites choses que j'ai écoutées aussi, des petites choses que j'ai vues aussi durant le week-end dernier, dans la dernière semaine, vais-je le dire. Mais tout de suite, on va continuer cette rétro Undead 2013 avec cette fois-ci un de mes choix, qui est Skeleton Witch. Pièce tirée de la bande Serpents Unleashed que j'ai bien aimé. Ben, c'est pas mal le meilleur qu'ils ont sorti. Ben, c'est le meilleur selon moi. Effectivement, c'est l'album le plus significatif de ce qu'ils peuvent faire live. Ouais, c'est ça. Parce que c'est bon live, ouais. Skeleton Witch. Mais studio, ça sonnait un peu vide. Effectivement, un peu dénudé. Tandis qu'ici, Serpents Unleashed, c'est beaucoup mieux structuré, c'est plus plein. Et on poursuivra tout de suite avec un autre doublé. Qui sont des choix respectifs de Sinistros de moi-même, soit de Toxic Holocaust. Donc, pour l'instant, Skeleton Witch, go!

C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La Barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Écoutez-nous en direct au cifou.ca. h 30 pile, et vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou, le 89.1 FM, et ce, jusqu'à 21h. On vient d'entendre un doublé de la formation américaine Toxic Holocaust, tiré tous les deux, bien entendu, du dernier album paru, soit Chemistry of Consciousness, soit Out of the Fire, qui était mon choix, et Rat Eater. Qui était le sien. Et où ça me fait rire, ce Rat Eater. D'après moi, il s'est inspiré. Tu sais, il y a eu un film il y a plusieurs années avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes, où ce que Stallone, c'est un flic, puis il se fait congeler, puis il se fait décongeler dans le futur. Là, sur Los Angeles, il n'existe plus. Ah, ben c'est pas Judge Dredd, ça? Non, c'est un autre genre comme ça. Là, mais à un moment donné, il descend dans les sous-sols, où ce qu'il y a un paquet de monde qui vivent là, tu sais. OK. Puis l'autre, il se commande un hamburger, tu sais. Fait que là, il dit, ah, mange pas ça, c'est un hamburger de rat. Ah oui, c'est le meilleur hamburger de rat que j'ai jamais mangé. Fait que c'était sur Rat Eater. Non, ça me dit rien, ce film-là. Ben, je m'en rappelle. J'essaie de pas me rappeler les films avec Stallone. Il y avait Sandra Boulette aussi là-dedans. Ah, Sandra Boulette? Oui. Boulette de rat? Oui, c'est cela. Auparavant, nous avions Skeleton Witch, formation américaine également, et la pièce Beneath Dead Leaves, que l'on retrouve sur Serpents Unleashed, qui est paru le 29 octobre. Ah oui, le 29 octobre était aussi apparition de Toxic Holocaust, et Skeleton Witch également, sur l'étiquette Prosthetic. Et comme nous l'avions dit en début d'émission, nous avons un doublé de Hell of Ballet, soit Farewell to Africa, et pour le mérite. Côté rétro signé Undead, j'ai encore quelques trucs à vous parler, bien entendu. Est-ce que tu as vu The Wolverine? Non. Il faut que tu vois The Wolverine. D'accord. C'est un des excellents films qui sont parus au niveau des super-héros en 2013. J'avais des petites appréhensions pour The Wolverine parce que j'avais vu les previews, puis ça se passe au Japon. Avec des samouraïs et ainsi de suite. Je ne sais pas trop. Mais finalement, c'est excellent. C'est vraiment bon. Et puis, c'est qu'on est mal DVD, ça, là? Oui. Oh. Et puis, c'est très bien... comment je pourrais dire? C'est très bien apporté que The Wolverine soit au Japon, qu'il a à se confronter à des... Contre Shogun, OK. Oui, c'est ça, comme déjà Anjin-san. Non, mais c'est vraiment un bon film de Wolverine. C'est une des bonnes franchises de Marvel. Un film que tu as vu, je pense, je me trompe pas, et que tu as apprécié, c'est World War Z. Oui, c'est très bon. Ça. C'était excellent. Oh, oui. Juste en passant, si ça vous intéresse, ma blonde a lu le roman duquel est tiré le film. Ça vous tente d'aller lire une petite chronique littéraire qu'elle a fait sur le site de réanimation. Allez dans la page. Pardon, spécial, vous allez voir au bas de la page, la chronique, vous allez pouvoir aller relire tout ce qu'il y en a. C'est fort intéressant. Donc, World War Z, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Et c'était le premier film que je voyais en 3D, d'ailleurs. Et j'avais des petites appréhensions au niveau du 3D. Je me suis dit, je vois-tu me pogner des maux de tête, je vois-tu m'écœurer? Pas du tout, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça, puis c'est... ça se prêtait bien au genre de film, là. World War Z, c'est un film de... entre guillemets, zombie, disons plus épidémie, qui est à très grand déploiement. Et en toi et moi, si ça allait arriver, il faudrait pas être dans ce pays-là. Non. Parce que c'est vraiment pas chic. Là. Des montagnes de zombies pour aller attraper un hélicoptère. Ou bien arrangez-vous pour être malade. Oui, effectivement. Effectivement, si vous êtes malade, ils vous toucheront pas. Donc, c'est un des excellents films. Un film très underground qui est produit par Rumorg Magazine, parce qu'ils ont maintenant une filiale un peu plus cinéma, évidemment d'horreur, mais très série B. The Testament of Rosalind Leigh. C'est un excellent film, je dirais, oui, d'horreur, mais je dirais plus surnaturel. Et ça se passe principalement avec un seul et unique acteur. Mais en fait, on voit un figurant à un certain moment donné, là. C'est vraiment, c'est très bien fait. Et en plus de tout ça, ce qui est un tour de force que je considère, c'est vraiment d'avoir amené un film qui se déroule pratiquement à 99% avec simplement un seul et unique acteur qui ne se fait que des réflexions ou à peu près, qui raconte grosso modo l'histoire d'un fils qui revient après plusieurs années dans le manoir de sa mère qui est défunte et qui lui a tout légué. Et entre eux, il y avait un très grand froid, ce qui faisait que lui n'avait pas donné de nouvelles depuis bien, bien des années. Et finalement, ben, il revient dans la maison. Il trouve différents signes et différents avertissements de, si on veut, fantomatiques de sa mère qui le prévient que cette maison là, elle est maudite. Donc, mais ça finit pas très bien, d'ailleurs. Puis c'est un bon film. Des films, je vais en dire juste encore un autre là, pour tout de suite, là, parce que ça, c'est vraiment un film, je sais pas si t'as vu ça, là, mais c'est vraiment assez ribé, mais complètement marteau, c'est Frankenstein's Army. Ouais, j'ai pas aimé ça du tout. T'as pas aimé ça? Pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pourri. J'ai trippé. C'est le genre de film complètement déjanté, là. C'est vraiment... C'en est même, à certains moments de l'année, quasiment dérangeant. Ça se tient pas debout. Ça se tient pas debout, absolument pas. Grosso modo, ça raconte l'histoire d'un médecin, pseudo-médecin de la mort, si on veut l'appeler ainsi, qui ne croit pas à la chute du Troisième Reich, parce qu'il y a eu une grosse mode en 2013 sur les films qui ont rapport avec le Troisième Reich et le retour du Troisième Reich sur à peu près toutes ses formes. Moi, ouais, celui qui sont sur la Lune aussi, c'était pas vergeux. Ouais, ça, moi, j'ai aimé ça aussi, j'ai trouvé ça cool. S'évertue à reconstruire à partir de cadavres des éléments militaires qui pourraient être des soldats immortels qui pourraient reconstruire le Reich ainsi, mais c'est vraiment complètement marteau, là, parce que c'est des bouts de personnes malgués avec des machines et ainsi de suite. C'est assez débile. C'est un vrai cauchemar par moment. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Écoute, j'étais un fan de films d'horreur, là. C'est à peu près tout les formes, là. Fait que Frankenstein's Army, c'est un film qui est pour, je dirais, les gens qui sont pas comme toi. Ah. Les gens qui sont fans vraiment de films d'horreur là, depuis bien bien des années là, c'est pas ça, c'est pas préjoratif ce que je dis là. C'est juste que c'est vraiment, faut aimer vraiment l'horreur là dans la version B et C là, t'sais, pour être capable d'apprécier le film. Mais j'ai trouvé que c'était assez original et c'est surtout pas très reposant par moment. Il y a des trucs aussi que je vais vous parler tout à l'heure encore en cinéma, mais bien entendu au niveau de quelques petites choses intéressantes au niveau musicaux. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je suis très heureux de pouvoir vous présenter, enfin, ça fait plus de 4 ans que je l'attends, le nouvel album de Behemoth. Il est sorti? Mardi prochain. Oh. Et qui porte le nom tout simpliste et à la fois très évocateur de la formation. Le sataniste, effectivement. Continuons cette Retro Undead. Cette fois-ci, nous attaquons le début novembre avec le 1er novembre pour se rendre jusqu'à la fin novembre, soit le 26. Nous avons retenu ici 6 titres qui sont respectivement de 4 formes. 4 formations différentes. La première étant un choix de Sinistros. Qui est Falkenbach. Qui nous revient avec un nouvel album qui s'appelle Aza. Il y a de la suite dans les idées. C'est pas meilleur, c'est pas pire que ce qu'il faisait avant. Dans le fond, pas meilleur, c'est pas pire. C'est une continuité. C'est pas pire. Alors, on va redonner la pièce Bronzen Embrace. C'est paru le 1er novembre sur Prophecy Productions. Par la suite, on va entendre une pièce tirée du mini-album de Hellborn. Je connais pas. Bon, ben, je vais le présenter, c'est pour ça. Formation qui vient d'Australie. Ah. D'Australie trifluvienne. Ah oui, en trifluvie. C'est la formation de Sinistros, oui, c'est ça. On va entendre un doublé de Hell et un doublé de Deicide. Allons-y tout de suite avec Falkenbach et... Balls and Umbies. Go. Hellborn. You know? Eh. Voilà, vous avez pas entendre jouer de la flûte sinistrose dans cette formation. Hellborn, formation trifluvienne, c'est la formation de sinistrose. On a entendu Hard Punishment, qui est tiré du nom de ce mini-album, qui est paru cet automne, de façon indépendante, n'est-ce pas? Oui. C'était bien cela, juste auparavant, nous avions. Oh, qu'est-ce qu'on avait déjà? Quelque chose. Falkenback, avec la pièce Bronson Embrace, tirée de l'album. Hey, ça. As soon as possible. C'est ça. Il manque le pire, mais c'est pas grave. Paru le 1er novembre. Sur Prophétie Production, oui, effectivement. Et Hellborn, c'était le 2 novembre, je pense. 3, je pense. Le 3? 2 ou 3. Ouais. Genre. Ben, en tout cas, sur, mais semble sur Metal Archive. Ouais, peut-être il est marqué 2 novembre. Ouais, il est marqué 2. Un petit truc encore cinéma, parce qu'il faut que je fasse le tour avant la fin de cette Retro Undead. Je n'ai pas le choix. Les territoires des ombres, est-ce que ça dit quelque chose? J'ai pas vu encore, mais il y a 2 films de sortie de ça. C'est, oui, ben, en fait, c'est supposé être une trilogie. OK. C'était un film espagnol. Il faut vraiment que tu vois ça. T'avais-tu vu le premier? Oui. C'est extraordinaire. Parce que ça tourne autour du culte de Toulouse. Et dans le territoire des ombres, on rencontre, entre autres, Percy Shelley. On rencontre, comment il s'appelle déjà, Edgar Poe. En fait, toutes sortes de personnages qui ont été très influents dans ce qui était le mysticisme et l'horreur. Et c'est très bien fait. C'est excessivement dark comme film. C'est merveilleusement bien interprété, mais c'est surtout très original. On retraite le culte de Cthulhu de façon, ma foi, fort, je dirais, intense. Et surtout, je dois dire que quand le film se termine, t'as le goût de voir tout de suite la suite. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Le territoire des ombres, c'est un, si c'est, porte le nom de la, la Alencia Valdemar, c'est son titre, original. Et, écoute, c'est indescriptible, Sinistros. Faut vraiment que tu le vois. Faut vraiment que tu vois ça. Le territoire des ombres. C'est le troisième et t'es en voie d'être... J'ai pas trouvé encore d'article qui disait que le film était en production ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les deux premiers ont suffisamment bien marché pour que le troisième soit effectivement réalisable. Un film que t'as vu et que j'ai aimé aussi, qui est un film qui est pas mal déjanté, c'est Pawn Shop Chronicles. Oh, ça c'était drôle, ça. Ça, c'est un film... Je dirais un peu à la Robert Rodriguez, un peu à la Quentin Tarantino. C'est un film. Brendan Fraser là-dedans, c'était en Elvis. Oui, tout à fait. Le film tourne autour d'un pawn shop, d'un magasin de presse sur gage, et des articles qui s'y trouvent, et bien entendu, les gens qui ont des interactions. C'est un film parfois assez violent. C'est un film qui a, en même temps, tous les sketchs qui sont dans les films sont présentés, ont tous un rapport tôt ou tard l'un envers l'autre. C'est un peu le principe, si on veut, de Pulp Fiction au niveau de la chronologie. C'est un film un petit peu moins, je dirais, high class que Pulp Fiction, parce que c'est quand même révolutionnaire, mais c'est quand même très bon. Et puis, Brendan Fraser, là-dedans, effectivement, est très bon en personnificateur d'Elvis, une espèce de paumé qui a pas de bon sens. Là, c'est vraiment hot. Puis je garde la prochaine parce que ce sont des séries télévisées, puis j'aimerais pouvoir tous les en parler en même temps. Donc j'ai retenu principalement 5 séries télévisées pour en ce qui me concerne pour 2013. Musicalement parlant, ben écoute, es-tu un amateur de la formation Cynic? Ben, oui, quand même. 14 février, prochain album de formation Cynic qui donne dans un trash metal. Pardon. Ah, la formation que je voulais te parler tout à l'heure, c'est ça. J'ai découvert ça, j'ai fait un test avec ça, c'est Visceral Hatred. C'est une formation qui vient des États-Unis. C'est un brutal death grind metal. C'est un Revelation of Perversion, c'est le titre de l'album, c'est Self-Production. Écoute. C'est du blender metal. Ben non, du blender, c'est audible à côté de ça, là. C'est indescriptible. assez pour me dire qu'il y a sûrement eu une erreur monumentale dans le recording. Ça se peut pas. C'est exécrable. Et ma chronique, qui donne un 0 sur 10... Il y a une ligne. Une ligne qui dit simplement « Ne perdez pas votre temps avec cette horrible chose dont la production est tout aussi horrible. » Tu peux pas entendre rien. Il y a rien qui se passe, t'entends rien. C'est vraiment pourri, pourri, pourri, pourri, pourri, pourri, pourri, pourri. Pourri! Et la semaine prochaine, Behemoth de Satanist qui est à venir. Donc, c'est une formation que j'attends depuis très longtemps. Et puis, je pense que c'est aussi Behemoth. Hein? Oh oui. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Et je lisais un article en entrevue avec Norgal qui disait que la pochette est une peinture qui est très, je dirais, représentative de ce qu'un sataniste pourrait... Elle est même pas sec, en plus. Elle peut être pas sec, hein? Mais je veux dire pourquoi. Il dit, je voulais absolument que cet album-là comporte de mon ADN, donc la peinture comporte de son propre sang. Oui, effectivement. Il y a de son sang à lui qui est impliqué sur la toile de la peinture qui a servi à faire la pochette de l'album. Par contre, je peux pas te dire si c'est lui qui l'a fait ou non. Là. Je crois pas. Je pense que c'est un artiste qui est engagé pour le faire. Mais il y a du sang de Nargal qui apparaît qui est dans le mélange de couleurs, si on veut. Probablement dans les tons de rouge. J'espère pour lui, c'est pas des tons bleus. Oui, effectivement. Le prochain doublé qu'on va entendre est une formation qui nous vient de... OK! C'est la deuxième parution de cette formation qui, en fait, Sinistros et moi, et probablement bien des amateurs de heavy metal, a été une grande révélation lors de leur première parution. Oui. Formation que Sinistros, lui, a mis en troisième position, et moi, j'ai mis en neuvième position, pour des opinions qui sont différentes, bien entendu. Nous parlons ici de Hell. Eh oui, avec Curse and Chapter, nouvel album, qui est, ma foi, supérieur à son prédécesseur. Ben oui, en tout cas. Ben, c'est une belle évolution. Oui, absolument. Puis il est loin, loin, loin, loin d'être décevant, cet album. Ah non, il n'est pas décevant du tout, là. Non, absolument pas. C'est des petits clins d'œil aussi à certains. Oui, des grands succès des années 70. Ben 60, oui, mais tu sais, surtout des. Parce que faut comprendre que Elle retranspose sa musique plus live. Oui. Parce que c'est une grande pièce de théâtre chantée, là, mm-hmm. Tu sais, il y a des costumes là-dedans, puis tout complet. Un peu à l'effigie de Jesus Christ Superstar ou Air, ça, à l'époque. Mm-hmm. Même The Age of Nefarious, il y a un petit clin d'œil à Aquarius, la pièce de Air, ça, c'est vraiment drôle. Hein? Oui, c'est vrai ce que tu dis. je suis pas, ça m'étonne pas du tout parce qu'on sait que le chanteur de Hell est lui-même un comédien de théâtre. Oui, c'est ça. Donc, qu'il remette qu'il fasse lui-même des mises en scène qui sont très théâtrales, je pense que c'est naturel, ça découle naturellement de lui-même, mais c'est aussi probablement un aspect qui nous manque beaucoup depuis. Ben, parce qu'il y a plus de bandes avec des grosses gamiques puis des. Il y en a plus. Puis généralement parlant, quand on va voir des spectacles de métal qui sont dits plus extrêmes, ben, les gars sont tellement absorbés à jouer à des vitesses souvent faramineuses, une multitude de notes successives qu'ils peuvent pas se passer. Ils peuvent pas passer grand chose sur ça. Ah, il y a certains autres groupes qui essayent d'avoir des genres de gamiques en se peinturant, mais c'est cheap. Ben, malheureusement, je pense que une gamique, quand tu en endosses une, il faut qu'elle soit quand même crédible et avoir un déploiement qui soit intéressant. C'est pas juste focaliser sur un ou deux points. Il faut que ce soit une ensemble. Là. Donc, on va aller écouter tout de suite le doublé de Hell qui seront les pièces The Age of Nefarious et Dark Angel. Go! Holy are the holiest of all the truth be told. So Into my loneliness comes the sound of a flute in dim groves that haunt the uttermost hills. Even from the brave river they reach to the edge of the wilderness. Au mardi de la relève du Gambrinus. Tu connais un band qui veut percer ou tu as toi-même ton band qui veut se faire remarquer? Eh bien, tu as jusqu'au 25 février pour t'inscrire au mardi de la relève du Gambrinus. Plus de 10 000 $ en prix à gagner. Pour information, visite legambrinus.qc.ca ou écris au productionjoshua@hotmail.com. Les mardis de la relève du Gambrinus, une présentation des productions Joshua et C'est fou 89.1. La Julie Factory, c'est une boutique de laine et un atelier d'art textile. Venez vous détendre dans notre salon de tricot. Pour débuter ou vous perfectionner, notre équipe de pros vous éclaire à trouver des idées originales adaptées à vos habiletés. Plusieurs choix de fils et de laine s'offrent à vous, tels Cascade, Noro, Fleet Artist, Zara, sont tous disponibles sur place. De plus, nous avons les accessoires pour vos projets de tricot, de tissage, de feutrage et de filage. Obtenez 10 % de rabais sur présentation de la carte étudiante. De l'aiguille au rouet, en passant par les métiers de table, la Julie Factory est imbattable. 140 boulevard Louis Fréchette à Nicolette. Génie en liberté, émission d'actualité et d'information, tous les mercredis à 14h. C'est fou dans vos oreilles! 20h08. Vous êtes toujours à l'écoute du Undead Incorporated Show, réanimation sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et c'est la conclusion de cette rétro Undead 2013 qui se fera dans quelques minutes. Vous avez entendu la formation Hell qui est parue le 22 novembre dernier sur Nuclear Blast. L'album étant Curse and Chapter. Et ma pièce qu'on vient d'entendre avant la pub, celle que j'avais retenue de cet album, était Dark Angel avec un H. Et tant qu'à toi? Et c'était The Age of Nefarious. Très bon album. C'est un, comment je pourrais dire? Elle ramène un deuxième ou troisième, selon le cas, souffle au traditionnel heavy metal de façon vraiment admirable. Magistrale. Oui, magistrale. C'est grandiose comme musique. C'est vraiment accrocheur. C'est bien fait. Puis il y a pas de moment faible sur l'album. Non, pas du tout. Ben, c'est comme le premier. Comme le premier, c'est ça. Autant que le premier, il y avait pas de moment faible. C'est le deuxième non plus. N'en a pas. Elle, qui respectivement a été le choix numéro 3 pour Sonny Strauss dans son top 10, et moi, le numéro 9. Et je dois porter un petit correctif, parce que tout à l'heure, j'ai dit que Hell of Barrett, c'était mon numéro 1. C'est faux, c'est mon numéro 2, mon premier étant Gorguts. Je me suis trompé. T'as menti. Oui, qu'est-ce que je fais régulièrement, voyons donc. Je ne cesse de vous mentir, parce que dans les faits, Gorguts, c'est même pas mon numéro 1, c'est mon numéro moins 1. Ah! C'est encore plus. C'est encore plus haut. Oui, c'est numéro 0. Oui. C'est ça. allons voir côté spectacle ce qui se commettra à l'extérieur de la région immédiate trifluvienne. Oui, parce qu'ici, il ne se passe pas grand-chose. Ben, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose annoncé non plus. BC High propose le vendredi 7 février prochain aux Fofones électriques de 18h, Hoggery, Unhuman, Terra Mobile et Contemplator. Il en coûtera $16 et $21 taxes incluses pour y assister. Et c'est disponible via admission. Toujours BC High, Children of Bottom, Death Angel et Tear seront Metropolis le samedi 15 février prochain dès 20h. C'est pour tous. Il en coûtera $34.78 et $39.13 plus taxes pour y assister via Ticketmaster. J'ai dit au Metropolis, je crois. Moonspell, Leaves Eyes, Atrocity, mardi le 18 février à 19h au Fofones électriques, via admission au coût de $21 et $26 taxes incluses. Cataclysm, Aborted et groupe invité le vendredi 4 avril prochain de 19h au Club Soda. C'est pour tous. Il en coûtera $20 et $25 taxes incluses. C'est disponible à billetterie du Club Soda. Il est en train de mourir, lui. Là. Oui. Il va nous faire, pour sa dernière émission, il va nous faire une mort en direct. Oui. Et ça, c'est du coup de théâtre, ça. Decibel Magazine Tour 2014 propose Carcass, Black Dahlia Murder, Gargots, justement, et Noisem, mercredi le 9 avril prochain à 19h au Metropolis. C'est un spectacle pour tous. Les billets sont disponibles Ticketmaster au coût de 30 et 43 et 34 et 78. Et finalement, le lundi 14 avril prochain, au Fofondes Électriques, BCA est toujours présente Destruction, Crazyn et Ex Mortus. Pardon. C'est à 20h, au coût de 21$ et 26$ taxes incluses via admission. Well, je vais faire la dernière portion de la Rétro Ciné Undead. Comme ça, on va mettre un terme final à toute cette facétie rocambolesque que nous avons fait depuis pratiquement 4 émissions. Je suis à la portion séries télévisées, parce que nous sommes tous les deux des consommateurs de séries télévisées. Oui. Et je ne parle pas ici, évidemment, de Top Model et ces choses du genre. Ah non? Ben, oui, un petit peu. Là, ah, OK. Mais... ben, toi, là... Moi, je préfère... comment ça fait raison. Ça, oui! Papa a raison. Comment ça, tu sais ça, toi? Ah! Ouais, ça, Gillian aussi, j'aime bien ça. Genie, ma sorcière bien-aimée. Ces affaires-là, j'aime bien ça. The Walking Dead. Est-ce que tu as vu les séries de Walking Dead? Saison 1 seulement. Comment avais-tu trouvé ça? Ben... J'étais resté sur mon appétit, puis pas assez pour... vouloir aller plus loin. Vouloir aller plus loin. Okay. Mais t'es peut-être pas un amateur de zombies, toi. Ben oui, mais moi, je trouvais que les zombies avaient même pas leur place, pas rapport. C'est comme... je trouvais ça ordinaire. Ben, en fait, tu sais que The Walking Dead... moi, j'avais accroché la première saison, là. Mais c'est vraiment le type, je dirais, parfait de la série que tu dois... si tu veux apprécier voir tout ce qui s'est fait. Parce que, oui, ça pourrait peut-être te laisser sur ta faim la première saison, mais la deuxième, qui selon moi est la plus faible, amène quand même des éléments qui te font comprendre des événements de la première et vice-versa. Mmh. Donc, la saison 4, pour moi, c'est vraiment une excellente saison. Ça, t'as aimé ça, on est unanime là-dessus. Game of Thrones, ah, saison ben oui, 3. Meilleure saison des trois, ça c'est bien évident. C'est vraiment hot. C'est une série moyenâgeuse qui a déjà, même qui est en direct de l'époque, là, on sait. Oh, oui, c'est comme c'est les tannins oui, dans c'est le temps, ça, là, c'est ça. Mais c'est encore surprenant qu'il y avait Richard dans le... dans le rôle de Mademoiselle Targaryen. Oui, c'est ça. Ah, il faut, fais-moi penser à Michel Richard. Pas la pause à Ozzy. Oui. Oui. Je veux taper sur le clou, là, c'est trop fort. J'ai pas pensé la semaine dernière, là, mais ça va être le fun. Oh, oui. Game of Thrones, c'est une saison, comme je le disais, c'est très moyen en jeu. Et non, pas moyen, là. C'est non, moyen, non, non, c'est moyen en jeu. Et non pas dans le sens aussi que c'est pas nécessairement vieux, c'est... Oh, c'est ça! c'est vraiment les affrontements pour détenir le pouvoir du trône de fer entre divers royaumes ben, et souvent divers membres de la même famille oui, aussi. Oui, c'est ça. C'est d'une... C'est sûr que les Lannister sont un petit peu... un petit peu croche. Ben, un petit peu. Je dirais qu'ils ont tendance à l'être. Beaucoup. Ils n'ont pas connu le mot droit, je pense. Non, je pense, ouais. Et c'est assez violent par moments aussi. Oui. C'est très cruel. Cruel au niveau châtiment physique, mais aussi cruel au niveau psychique, je dirais torture mentale. Mais c'est excessivement bien fait. C'est vraiment, vraiment bon. Game of Thrones saison 3, je pense que moi aussi, c'est la meilleure des trois jusqu'à présent. Ça laisse vraiment, à la fin de du dernier épisode, de dire, wow, quand est-ce que la quatrième s'en vient? Puis ça presse. Une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée aussi, qui donne dans l'horreur, c'est American Story, la saison 2, qui met en vedette Jessica Lange, qui est excellente, soit dit en passant, qu'on avait perdu de vue depuis un bon nombre d'années. En fait, bon, c'était peut-être moins évident ce qu'elle faisait, là. Mais tout tourne autour de elle, qui interprète différents personnages d'une saison à l'autre. On voyage vraiment dans le temps, mais c'est tordu, ça. C'est tordu. Ça, c'est vraiment de l'horreur. Là. Puis je parle pas de gore, là, mais c'est de l'horreur typiquement American Horror Story. Saison 2, je vous le recommande fortement. D'ailleurs, j'ai commencé la saison 3 et je saurai vous en parler incessamment. Tant qu'à être dans le Moyen-Âge, ben retournons dans l'Antiquité. Spartacus, Spartacus, saison 3 et finale War of the Dam, qui reconstitue sur 3 saisons vraiment la capture de Spartacus par les Romains, son état d'esclave qui devient rapidement gladiateur malgré lui, mais qui devient le prince des arènes, pour finalement décider que lui, non, il n'est pas venu au monde pour être esclave et qu'il va se révolter. Et c'est vraiment bien fait, ça reconstitue quand même, historiquement parlant, de façon excessivement sanglante et viscérale, je dois le dire. C'est ce moment historique. Encore des historiens pour s'accorder pour dire est-ce que Spartacus a vraiment existé. Il y en a d'autres, il y en a là qui disent que oui, il y a des preuves tangibles qui existaient. D'autres qui disent que c'est un personnage qui a été emblématique, si on veut. Mais quoi qu'il en soit, c'est une excellente série. Spartacus War of the Dam. Malheureusement, la deuxième et la troisième n'est pas avec le premier acteur. Oui, parce qu'il est décédé. Il est décédé à la fin de la première saison. Mais quand même, celui qui le remplace fait un bon travail. Et la dernière série télévisée que j'ai retenue, en fait, j'aurais pu en mettre des pages et des pages, là, mais c'est Sons of Anarchy, saison 5. Ah oui. Qui est, tu vois, moi, ce que j'aime de Sons of Anarchy, c'est que c'est une série qui parle de motards hors la loi. Ça, c'est toujours intéressant, si on veut, là. Mais c'est que de véritables motards qui jouent des rôles à l'intérieur de la série. Donc, ça devient beaucoup plus crédible. Il y a, évidemment, un aspect qui est un petit peu plus farfelu, bien entendu, parce que on s'entend qu'il faut dramatiser quelque part. Mais c'est bien fait. Et encore là, c'est une histoire de complot. Toujours l'un envers l'autre. Histoire de famille, encore. Histoire de famille aussi. Et, des trahisons au sein du même clan. Mm. Les uns envers les autres, pardon. Donc, c'est vraiment bon. Hey, ça clôt le rétro Cine on Dead, ça. Par contre, il y a des trucs intéressants à surveiller. Le 12 février, ben, intéressant, je sais pas, par curiosité peut-être, pour certains, le 12 février, c'est le remake de Robocop. Oui, c'est ça. Oui, c'est cela. Il est en train de prendre son souffle. Oui, j'ai vu des genres de previews, puis ça semble plus intéressant que ce qu'on a connu avec Robocop. Ben, écoute, technologiquement parlant, aujourd'hui, c'est plus avancé. Ouais, mais il y a un point de vue histoire de voir que le gars, il s'en rend compte, là. Ouais. Tu sais, ça a l'air cool. C'est le 12 février en salle. Le 21 février, ça m'intéresse vraiment, c'est Pompéi, c'est la destruction par le Vésuve de Pompéi. Les previews sont vraiment bonnes, ça risque d'être un film à grand déploiement. Le 7 mars, enfin, Rise of Empire 300, chapitre 2. Qui continue là où le premier s'était terminé de Zack Snyder. C'est vraiment c'est un de mes films à vie, là. 300 le premier, j'ai hâte de voir le deuxième. Film trailer qui risque d'être intéressant. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, ça risque d'être bien. Le 11 avril, c'est Oculus. D'ailleurs, la pochette est très évocatrice que c'est sûrement pas un film d'amour. Hein? Non, hein? Oh, un autre remake. Moi, ça va me captiver parce que j'étais un fan vraiment pas fini, mais invétéré pour le moins de cette créature gigantesque japonaise qui est Godzilla, ou Gojira, dans son nom officiel, original. Donc, le 16 mai, c'est Godzilla. J'espère que ça va être meilleur que celui dans lequel Matthew Broderick jouait dans les années, je pense, c'est fin 90, je pense c'est 98. C'était assez ordinaire. La créature ressemblait pas du tout à l'original, tandis que là, d'après ce que j'ai pu voir, ils ont été quand même assez, disons, fidèles. Et un film de Walt Disney. Un film de Walt Disney qui porte le titre de Maleficent, qui met en vedette Angelina Jolie, et c'est le review de The Sleeping Beauty. Oh. Puis tu sais que ces contes-là sont foncièrement à la base très evil, hein? Ben oui, normalement, oui. Là. Oui, mais c'est très, très evil. Donc, en fait, d'après la pochette, ce qu'on peut voir, ça risque de pas être la version de Walt Disney en dessin animé. Non, ce sera pas La Belle au bois dormant. Oui, ça peut être probablement La Belle au bois dormant, mais je crois qu'elle va l'avoir un peu moins facile. OK. Ce qui est en salle présentement, c'est I, Frankenstein. Ça, c'est... Ouais, ça m'intéresse. J'ai vu les previews, j'ai vu les annonces. C'est quand même Aaron Eckhart qui joue dedans. Ça risque d'être pas mal bien, mais on est loin un peu du Frankenstein de Mary W. Shelley. En salle présentement aussi, 47 Ronin, qui met en vedette Keanu Reeves, qui risque d'être bien aussi. Avais-tu vu à l'époque le film avec, je sais que tu l'aimes pas, là, Tom Cruise, qui était, The Last of the Samurai. Ouais, il me semble que j'ai vu ça. C'était vraiment bon, ce film-là. Ouais. C'était vraiment un excellent film. Ça se pourrait que ça soit dans le même genre. Devil's Due, c'est en salle présentement. C'est un film de Matt Bettelini et Matt Bettelini, Alfin et Tyler Gillett. C'est un film d'horreur et de possession. Ça risque d'être bien, une famille qui met au monde un enfant qui n'est pas celui qu'ils attendaient. As-tu vu finalement Machete Kills? Pas encore. Ah, faut-tu voir ça, c'est trop tardant, c'est vraiment hot. Et il y en a un troisième qui s'en vient. Et? Oui. Machete Kills Again. In Space. In Space. C'est le titre exact. Machete Kills Again in Space. Parce qu'il s'en va dans l'espace. OK. Oui, mais à la fin du film, on comprend pourquoi il s'en va dans l'espace. Mais tu sais, c'est farfelu, là. C'est Robert Rodriguez. Il faut pas se prendre au sérieux avec ça, là. Une série qui va sûrement m'intéresser, dont j'ai manqué le premier épisode. C'est disponible sur Starz Channel. C'est Black Sails, qui est... qui ramène 20 ans avant les événements de l'île au trésor, avec le légendaire Captain Flint, avec Black Dog et compagnie, toute cette gang-là. Donc, ce que j'ai pu voir, ça risque d'être très, très intéressant. Je saurai vous en reparler éventuellement aussi. Un film québécois. Je le dis tout le temps, je suis jamais vraiment attiré par les films québécois. Puis là, je l'ai été par curiosité, puis je l'ai vraiment pas regretté. C'est Amsterdam, le film de Stéphane Miljevic, qui met en vedette Gabriel Sabourin, Louis Champagne et Robin Aubert. C'est un drame. Ça débute un peu comme un film comédie, si on veut, entre guillemets, mais ça dégénère très vite. C'est un drame vraiment, par moments, très pathétique. Et c'est une situation qui dégénère de façon, je dirais, outrageante. Donc, Amsterdam, c'est vraiment un bon film. Histoire de trois gars qui mentent à leur famille respective pour dire qu'ils vont faire comme annuellement, tous les années, leur voyage de pêche à leur chalet sur le bord d'un lac, mais ils décident d'aller passer une fin de semaine et s'éclater à Amsterdam. Mais ça marche pas comme ils voulaient. Donc, c'est vraiment un bon film à voir. Un film que je me propose de vous parler la semaine prochaine, c'est un film de Justin Price qui met en vedette Danny Trejo, qu'on retrouve dans Machete, entre autres. Et ça s'appelle The Cloth. Donc, c'est... c'est un film de... Bon, c'est un trailer horreur possession qui met l'affrontement de l'envoyé du diable sur Terre, qui est dans la peau d'un général. Donc, ça risque d'être un peu peut-être Rodriguez et ses barbes. Danny Trejo fait pas tous des bons films, il fait pas tous des navelons. Il en fait beaucoup, ces temps-ci. Il en fait énormément, il est très, très en demande. Et pour clore, le film que je... la section à revoir, à découvrir, c'est le remake de King Kong de 2005 de Peter Jackson. As-tu vu ça? Par bout. Ah, ça, c'est vrai. Avec Jack Black, là? Oui. C'est vraiment un excellent film de science-fiction et d'aventure. Peter Jackson, moi, je trouve que c'est un excellent cinéaste depuis ses débuts, là. Même à l'époque de... comment il s'appelait déjà? Il porte le nom de Hunt Dead, je pense, mais il y a un autre nom aussi. C'est un film complètement gore, là. Je trouve qu'il a vraiment repris... Tu sais, King Kong, c'est un film culte, à quelque part, là. Le film de 1933, c'est un film que bon nombre d'amateurs de science-fiction disent que c'est l'un des meilleurs qui s'est fait. Eh bien, je pense qu'il a réussi vraiment à capturer l'esprit du film et à le retraduire à la sauce des années 2005 précisément. Et c'est quand même presque 3 heures de film. Je dirais, je pense que c'est 2h30. Mais c'est vraiment, puis il nous montre des aspects qui initialement avaient été probablement coupés lors de l'original, pour diverses raisons. Des raisons de censure, mais des raisons aussi de rentrer dans un format de temps très précis, qui à l'époque, les films ne pouvaient pas durer beaucoup plus qu'une heure, 1h15. On s'entend? Tandis que là, il s'est lâché lousse, il a fait un film comme il le fait à grand déploiement. C'est grandiose, c'est bien fait, et je dois dire que c'est assez crédible. Quoique je doute fort qu'un gorille de cette 50 pieds débarque un jour dans nos rues, je l'espère que non. J'ai donné un 9 sur 10, et comme je l'ai dit, comme tu l'as dit, ça met en vedette Jack Black, mais aussi l'excellente Naomi Watts, qui est une très, très bonne actrice de soutien, et Adrian Brody, qu'on ne voit plus très souvent maintenant. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Mais qui a un excellent rôle aussi dans ça. Donc, King Kong, c'est vraiment excellent. Maintenant, retournons en musique avec ces deux dernières pièces de notre Retro Undead 2013, qui sont des choix respectifs de Sinistros, puisque c'est un doublé, et qui, en ce qui me concerne, est mon choix numéro 4 de mon top 10, soit Decide. Oui. Toi, tu as choisi une pièce tirée In the Minds of Evil, qui est parue le 22 novembre dernier sur Century Media, et moi aussi, et la tienne, c'est laquelle? God Kill, c'est un excellent choix. Oui. Et moi, ce sera Between the Flesh and the Void. Donc, tout de suite, un doublé de Decide tiré de In the Minds of Evil. Go! Lost. aimes la musique indie rock et tu cherches de nouveaux artistes à écouter? Ne manque pas Hors Zone tous les mercredis à 13h sur les ondes de C'est Fou. Chaque semaine, avec ma chronique culturelle, je vous présente un groupe indie rock. Hors Zone, c'est des entrevues, des quiz et évidemment l'indie rock à son meilleur. Avec Olivier et Carianne, Hors Zone, c'est assez fou. Je suis Hors Zone. Je suis Hors Zone. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous, au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, shish taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 20h35, l'émission tire à sa fin et la Retro Undead 2013 est terminée. On vient d'entendre avant la pause publicitaire un doublé de D-Side, soit mon choix, album qui est paru le 26 novembre dernier sous le titre de In the Minds of Evil, la pièce étant Between the Flesh and the Void, tirée de cet album qui apparaît sur l'étiquette Century Media. Pour ma part, c'était God Kill qui paraît sur le même album que toi finalement. Ben oui. C'est étrange, mais c'est ça. Eh oui. Deux bonnes pièces, deux pièces révélatrices de cet excellent album qui, moi, apparaît sur ma quatrième position de mon top 10. Dans quelques instants, nous allons présenter la dernière parution de la formation des Pays-Bas qui donne dans un Death Trash Metal sur Legion of the Damned. L'album porte le titre de Ravenous Plague, auquel, moi, j'ai donné un 8 sur 10. 8.5, moi. Bon, encore. Tiens, pas faire pareil comme toi. Ouais, je sais. Mais t'aurais pu donner 7.5, ça aurait été différent aussi. Non. Mais pas assez généreux. Il mérite plus. Ouais, effectivement, c'est un bon album. Mais avant de procéder, parce que nous allons tenter de vous présenter entre 4 et 6 pièces tirées de cet album, tout dépendant le temps qui nous restera. Je l'ai dit en début d'émission, on l'avait annoncé depuis un certain nombre de temps, je l'ai annoncé sur le site de C'est Fou aussi. C'est la dernière émission de Sinistros en Réanimation. Oui. Malheureusement, c'est la dernière fois que vous pourrez entendre avant, du moins, minimalement, une année. Oui. Ce pauvre gobelin pestilentiel me rabatte les oreilles avec ses propos diffamatoires et toute autre chose de mauvais goût. Je serai avec vous en pensée, ça c'est sûr. Oui, mais ça d'ailleurs... Je ne pourrais même pas vous écouter, ça qui est le pire. C'est... Non, il te restera le podcast. Effectivement, tu pourrais écouter la balado-diffusion qui est disponible sur le site de réanimation AD.com. Sinistros, 7 ans de co-animation ensemble, c'est et, pas rien. Et non. Je tiens à te remercier. Je tiens à te remercier et je tiens à te dire que c'était un grand plaisir de pouvoir... Tell fun. Ben, c'était vraiment cool. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Tu m'as fait découvrir des choses. Je te remercie des choses que je vais tenter de pouvoir perpétuer sur les ondes. Je vais tenter d'oublier. Oui, je vais tenter d'oublier aussi. Il y en a d'autres que je vais essayer d'oublier, effectivement. Surtout quand on parlait de black metal. Ah oui, parce que, en parenthèse, ça sera peut-être pas moi qui vais vous en passer le plus de black metal. Mais Sinistros, t'as été vraiment un co-animateur, vraiment, vraiment cool. T'as été un assistant dans mes expériences machiavéliques, désastreux, mais ça a amené des choses à laquelle je m'attendais pas. Mais comme je dis, je ne ferme pas la porte, définitivement, on ne sait pas ce qui peut arriver dans un an, toujours bien. Ben oui, c'est ça. Sinistros a un contrat au niveau professionnel qui est d'une durée de 12 mois, ce qui l'empêche de pouvoir être disponible puisqu'il travaillera de soir maintenant. C'est cela. Sous peu. Donc, merci beaucoup, Sinistros. Ça fait plaisir. Puis, j'espère qu'on va pouvoir remettre ça éventuellement et pouvoir continuer à avoir autant de plaisir malsain comme on en a eu depuis 2007. Eh oui. Donc, Legion of the Damned, c'est une formation que Sinistros m'a fait découvrir d'ailleurs, il y a de ça quelques années, je dirais peut-être 2 ou 3 ans. Peut-être plus que ça. Ouais, minimalement, 3 ans au moins. Peut-être ça. Même 7. Arrête-toi. Moi, j'ai connu les Legion of the Damned avec Son of the Jackal, si je me trompe pas, qui doit dater de 2008. Veux-tu qu'on vérifie? Ah oui. On va regarder ça pour le fun. Et c'est le silence, mes amis. Ouais, c'est parce que le clavier est un peu loin ici. Tu l'as mal écrit. Sûrement. Oui, j'ai oublié de mettre... Le dame. Le N. Bon. Sans ordre, Django, c'est 2007. 2007, c'est ça. Ben, je m'en rappelle pas. Moi, je me rappelle vraiment d'avoir connu... Cult of the Dead. Cult of the Dead. Oui, c'est 2008. 2008. Donc, ça fait plus que 2-3 ans. Ça fait 4-5 ans, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, c'est une formation qu'on affectionne beaucoup. On s'est fait un malin plaisir, lui et moi, de dire des fois qu'on était les deux seuls fans en Amérique du Nord, mais de bons fans. Donc, on vous propose tiré de cet album Ravenous Plague qui est paru le 3 janvier 2014 ici en Amérique sur Napalm Records. Envoyez-les dans l'ordre qui suit, soit l'ouverture des Apocalyptic Surge qui sera suivie de Hauling for Armageddon, Black Baron, Mountain Wolves Under a Crescent Moon. On va essayer de se rendre jusqu'à Ravenous Abomination et Doom Priest. Donc, sans plus attendre, Legion of the Damned. Go!

Legion of the Damned, les quatre premières pièces de cet album, Ravenous Plagues. On vient d'entendre à l'instant Mountain Wolves Under a Crescent Moon. Black Baron. Hauling for Armageddon et l'introduction des Apocalyptic Surge. Il nous reste le temps de vous passer une dernière pièce qui est la cinquième et qui est le choix de Sinistros. Eh bien, oui. La dernière fois qu'il m'incombe de clore cette édition de réanimation. Tout à fait. Voici la pièce Ravenous Abomination. Donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, 19h, pour une autre édition de réanimation. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons en profiter pour présenter le nouvel album de cette formation polonaise très, très, très puissante qui porte le nom de Behemoth. Et le nom de l'album est de Sataniste. Donc, ça risque d'être épeurant, ça, cette histoire-là. Et merci beaucoup, Sinistros, encore. Rock'n'roll. Yeah. Et pour la dernière fois. Mais sur ça, allez tous vous faire foutre. Ciao.